allez dire, par Martin Kaltenacker, qui fait suite à la conférence, ou pas, je ne sais pas, les liens qui vont pouvoir se tisser entre ce qui a été dit et ce qui va être écouté. Bonne écoute, si tu veux, tu souhaites dire quelque chose, rien. Nous écoutons. Bonne écoute. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. fini. Martin a disparu. Elle a disparu. À l'instant même. Il a fait des acrobaties comme ça. Il s'est évaporé. Sauté de siège en siège et il a disparu. Dans la lumière. Comme ça. Vers le ciel. En pleine nuit. Voilà, c'est ça. Les hauteurs. Donc voilà, c'était son mix. Merci. Merci. Merci à vous pour votre écoute.